belle salle de belle fashion. Non? C'est KRL 89.1, Québec. Tell me say one thing, Nancy, if you understand. One thing, Nancy, if you understand. Mommy, they might talk about me ambition. Say one make them, they might talk about me ambition. Come and say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me where me get it from. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Comme à l'habitude, plein de bonne musique en téléchargement gratuit. Donc, si les pièces que vous entendez à l'émission vous intéressent, vous avez juste à vous rendre au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir consulter la playlist de l'émission, télécharger les pièces entendues ainsi que les albums au complet. Donc, tout ce qui est présenté, c'est de la musique en téléchargement gratuit. Il n'y a pas d'attrape, il n'y a pas de courriel à donner ou de trucs comme ça. Vous téléchargez simplement et vous partagez avec vos amis. C'est fortement encouragé. Cette semaine, donc, on va débuter avec Exit Delete. Je vous fais entendre la pièce Real World. C'est sur l'étiquette allemande Blower Aben. Ensuite de ça, un groupe qui passe souvent à Web Music, c'est The Fucked Up Beat. Je vous fais entendre une pièce au nom vraiment trop long, donc tiré de l'album de Situationist sur l'étiquette Funnel Cake. Et enfin, à la fin du bloc, on va entendre Kay Engel avec la pièce Calls and Echoes. C'est sur l'étiquette Southern City Lab. Donc, on écoute ces trois pièces-là et je vous reviens tout de suite après. Thank you. Une pièce tout à fait épique, on dirait que c'est tiré directement d'un film. Donc, c'était Kai Engel avec la pièce Calls and Echoes, tirée de l'album du même nom. Avant ça, c'était The Fucked Up Beat, une pièce au nom vraiment trop long, publiée sur Phonocake, tirée de l'album de Situationist. Et enfin, on débutait l'émission avec Exit Delete, la pièce The Real World. Sound this little. Je peux as I can. Je peux. Je peux. Je peux. Yes. Je peux. Je peux. I can a little would be. Je peux un peu. Right. Je peux un peu. I can.

Et on avait débuté ce bloc avec Ursulot, un album complètement pété sur l'étiquette Maltin Records, une étiquette japonaise. C'était donc Ursulot avec la pièce Techno Ballet. C'était un remix de Yoshino Yoshikawa. On poursuit donc l'émission cette fois-ci avec AL57. Je vais entendre la pièce Féotalité. C'est sur l'étiquette française Vatican Records. Ça va être suivi par le Montréalais Johnny Ripper. Je vous fais entendre la pièce Ce n'est rien. Puis enfin, on va compléter le bloc avec Grizz. C'est donc la pièce Too Young for a Tragedy. Si les pièces vous intéressent, vous avez juste à vous rendre au www.webmusique.ca. Vous allez retrouver donc la playlist et vous allez pouvoir télécharger les pièces en entier de façon gratuite et légale. On écoute tout de suite AL57. Je vous reviens après ces trois pièces. Thank you. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous êtes à l'émission Web Musique. Cette pièce dubstep bien sentie était par Grizz. C'était la pièce Too Young for Tragedy. C'était tiré de son album Mad Liberation. Avant ça, on entendait le Montréalais Johnny Ripper avec la pièce Ce n'est rien. Et enfin, on avait débuté le bloc avec AL57, la pièce Féotalité, donc tirée de l'album Procrastination Vespérale, c'était sur l'étiquette française Vatican Records. On poursuit avec cette fois-ci Shake It Machine, je vais entendre la pièce Black Flag, c'est un remix par Faz, c'est tiré de l'album Sky Simulator. Puis ensuite, on va entendre Sick Rat avec la pièce Don't Be Blue, c'est avec la guitare de Sphinx. Puis on va compléter le bloc avec une pièce de Four Step intitulée In the Hotel. C'est tiré de son EP Revealed. Donc on écoute ces trois pièces-là à Web Music.